là, enfin. Bonsoir à toutes et à tous, ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir. Ouais, on va dire que la semaine dernière, j'étais. Enfin, il y a deux semaines, j'étais à la radio et puis là, ben non, je ne suis pas à la radio, je suis en mode C. Mais pas C pour confiner, en mode C pour couvre-feu. Voilà. À cause de ça, eh bien, je suis obligé de refaire ça à la maison. À la maison, pas à la radio. C'est comme ça. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça y est, il est là, le nouveau McCartney. Il y a un vin qu'on dit le machin, le nouveau est arrivé. Ben là, le nouveau McCartney est là et il est bon, il est fruité, il est agréable. Je suis très vite rentré dedans. Alors j'ai un copain musicien qui dit que il perd un petit peu en inventivité ce qu'il avait étant plus jeune, à savoir que les mélodies sont plus simples. Mais c'est pas grave. Moi, je préfère qu'il continue à faire des mélodies qui me plaisent plutôt qu'il ne fasse rien et qu'il reste chez lui. Et puis si sa voix est moins bonne, et bien c'est comme ça. Il a quand même 78 ans, le père McCartney. Voilà. Bref, l'album de la semaine, enfin, même pas. Trois albums, c'est du 100% McCartney. Trois albums vont être de la fête, même s'il y a quand même un album de la semaine. Mais il n'est pas aux mêmes endroits que d'habitude. Il n'y aura pas de cover, il n'y aura rien du tout. Il n'y a que du McCartney, et du McCartney entre 2010 et 2020. L'album Kiss Is On The Bottom, l'album You, l'album Egypt Station, et l'album 3. Ou 3, si vous voulez. Qui clôt involontairement 50 ans d'album solo. Le premier à la fin des Beatles, le second à la fin des Wings, pour schématiser, et le troisième à la fin de rien du tout, simplement parce qu'il était chez lui. Et la ligne directrice de ces trois albums, c'est que ça a été fait par Monsieur McCartney tout seul chez lui, tous les instruments à une virgule près, et c'est donc très très bien comme ça. Je vous donne les cinq premiers, allez, c'est bien pour vous faire plaisir. Et puis non, je vous les donne pas. Ça va être comme ça. On ouvre le podcast à 20h, le mercredi 23 décembre. Et ça commence maintenant avec le premier morceau, celui que j'ai entendu en premier et celui qui m'a fait tout de suite apprécier l'album. When the Bird, un petit bout, je vous expliquerai après pourquoi. When Winter Comes, sur RIG en temps normal, dans la saga des Fab Four, c'est sûr. Et c'est la saga des Fab Four 476, c'est pour couvre-feu. Must fix the fence by the acre plot. Two young foxes have been nosing around. The lambs and the chickens won't feel safe until it's done. I must dig a drain by the carrot patch. The whole crop spoils if it gets too damp. And where will we be with an empty store when winter comes? When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, we'll fly away and find the sun when winter comes. Must find the time to plant some trees in the meadow where the river flows. In time to come, they'll make good shade for some poor soul. When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. The fence by the acre plot. Two young foxes have been nosing around, and the lambs and the chickens won't feel safe until it's done. When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, we're gonna fly away and find the sun when winter comes. Alors évidemment, quand vous entendez ce morceau-là, vous vous dites « Oh, il a retrouvé la voix d'avant 2010, c'est fantastique, c'est génial, oui !» Et puis après, vous apprenez que le morceau a été enregistré avec George Martin en 1992, il y a 28 ans. Donc ceci explique cela, mais néanmoins, c'est gentil Paul de nous l'avoir sorti des tiroirs et de nous l'avoir donné. Et juste avant le début de Winter Comes, il y a un bout de Winter Bird, When Winter Comes. Il y a Winter Bird, pourquoi ? Parce qu'au début, il y a un instrumental qui commence le disque, et cet instrumental est repris sur la dernière chanson, qui est celle-ci, juste avant When Winter Comes. Donc il y a les gimmicks de McCartney, c'est ce qu'on aime bien chez lui, quand il y a des chansons qui se répondent l'une à l'autre, etc. Et c'est très bien comme ça. Alors, dès la deuxième chanson, je vais vous mettre à l'heure, parce que voici la démo de la deuxième chanson, c'est juste pour vous, c'est Lavatory Lil, c'est un studio outtakes, et c'est spécialement pour vous. One, two... Lavatory Lil, look out for Lavatory Lil. You think that she's a winner when she's cooking you your dinner, but she's really moving in for the kill. Lavatory Lil, watch out for Lavatory Lil, watch out for Lavatory Lil. Said she's hunky-dory when she's telling you a story, but she really thinks you're making her ill. Lavatory Lil, if you saw it coming at you, you could look the other way. It isn't always easy when she's rolling in the hay. So much for Lavatory Lil, so much for Lavatory Lil. You think she'd be friendly, but she's looking for a Bentley, and she'd rather go and swallow a pill. Lavatory Lil, if you saw it coming at you, you'd get up off the track. It isn't always easy when she hits you in the back. Oh yeah. Well, that's it for Lavatory Lil. That's it for Lavatory Lil. She's acting like a starlet, but she looking like a harlot, and she's only heading over the hill. Lavatory Lil. Eh bien, moi, je trouve ça très bien, Lavatory Lil, avant que le passage avec rechanter, doubler sa voix, etc. Donc, un essai en studio pour voir ce que ça donne. Après, il y a le rendu final. Le voici, Lavatory Lil, par Paul McCartney sur McCartney 3. Ah, c'est autre chose. Look out for Lavatory Lil. Look out for Lavatory Lil. You think that she's a winner when she's cooking you your dinner, but she really moving in for the kill. Lavatory Lil. Watch out for Lavatory Lil. Watch out for Lavatory Lil. She says it's hunky-dory when she's telling you a story, but she really thinks you're making her ill. Lavatory Lil. If you saw it coming at you, you could look the other way, but it isn't easy when

on va dire, vieillissante. Et c'est un bon album que je n'écoute pas souvent parce que bah, c'est l'ambiance piano-bar. Il faut avoir envie d'être dans l'ambiance piano-bar. Mais c'est un bon album quand même. Il y a de très, très bonnes chansons dessus. C'est des reprises, sauf une. Je crois qu'on l'a prévue dans la programmation. Est-ce que vous pouvez me dire dans la... Oui, je la vois. Elle est là. Elle sera en position 22. Eh bien, on la retrouvera donc un petit peu plus loin. L'année d'après, en 2013, il nous surprend avec un album avec énormément d'ambiances différentes. C'est l'album New, voici Early Days. Sur cette chanson, l'anecdote que j'ai entendu dire par Paul McCartney lui-même, c'est qu'au départ de la chanson, il a eu l'impression que ça démarrait mal, que sa voix ne passait pas, et il a voulu la refaire. Et le producteur qui l'a aidé à faire cet album-là a dit « Non, non, non, la voix fatiguée comme ça, ça me va très très bien. » Enfin, j'interprète, mais il a dit « Non, non, tu laisses comme ça, c'est très bien. » Voici Early Days, dans la saga des Fab Four. They can't take it from me if they try. I lived through those early days. So many times I had to change the pain to laughter just to keep from getting crazy. Dressed in black from head to toe, two guitars across our backs, we would walk the city road, seeking someone who would listen to the music that we were writing down at home. But they can't take it from me if they try. Sleek back with Vaseline, like the pictures on the wall of the local record shop. Hearing noises we were destined to remember, will the thrill to never stop. Come to you when you look for them, and your inspiration, long may it last, may it come to you time and time again. Seems to have their own opinion, who did this and who did that. But as for me, I don't see how they can remember when they weren't where it was at. And they can't take it from me if they try. Early days. I live through those early days. try to make it happen, you can guarantee. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand, let me enter your light. Wanna show you my passion. We can make each other happy if we get it right. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand, taking our time and making a stand. We can make this dream come true, only if we want to. We can make this dream come true. Everything in life is planned. Can we make this dream come true? De son dernier album, enfin de l'avant-dernier album, maintenant il faut que je pense à l'album qui vient de sortir, l'album Egypt Station, et je trouve qu'en écoutant Paul McCartney entre 2010 et 2020, il a tort de ne pas inclure plus de ce McCartney-là dans les lives qu'il peut faire. Évidemment, avec 60 ans de carrière, c'est extrêmement difficile d'arriver à contenter tout le monde. On est là pour l'entendre chanter les chansons des Beatles, oui, mais il n'a plus la voix qu'il avait. Alors, ce serait bien de reprendre des chansons comme celle qu'on écoute là pendant cette saga, parce qu'elles restent très bonnes, les chansons. Et je vais vous le prouver avec deux extraits du nouvel album Seize the Day et Pretty Boys, à la suite dans la saga des Fab Four. I don't care to be bad, I prefer to think twice. All I know is it's quite a show, but it's still alright to be nice. Yankee toes and Eskimos can turn to frozen ice when the cold. Seize the day. Seize the day. Vous allez me dire, enfin peut-être que vous ne me le direz pas, qu'en 2019, il a aussi sorti un single qui s'appelle Get Enough, qui est auto-tuné à mort et que je déteste, que j'ai passé une fois dans la saga des Fab Four, et je pense que je ne le repasserai pas là en mode couvre-feu parce que c'est une tentative ridicule de Paul McCartney d'essayer de faire jeune, mais si c'est jeune et moche, eh ben autant faire le vieux McCartney, je préfère. Comme celui, par exemple, qui reprend Baby's Request, titre de 1979, vous savez, cet obscur album qui s'appelle Back to the Egg, que j'adore. Il le reprend en mode de café-bar, le soir, au piano. Voici Baby's Request sur l'album Kisses on the Bottom. Surérigé en temps normal dans la saga des Fab Four, qui est une saga consacrée à Paul McCartney maintenant. Paul McCartney 2010-2020. When the moon lays his head on a pillow and the stars settle down for a rest, just do me one small favor, I beg you, please play me my baby's request. It's the song that we heard when we started,

was said. McCartney dans sa spécialité, la cassure de rythme en plein dans la chanson. C'était en 2018. C'était en 2018 avec cette chanson qui s'appelle Despite Repeated Warnings. C'est sur l'album Jeep Station en 2018. Je suis taquin. Oui, je suis taquin, parce que je ne peux pas m'empêcher de me dire que lorsque j'ai fait la remarque sur le CD Get Enough qu'il a sorti et qu'il n'aurait pas dû sortir, vous avez peut-être eu envie de me demander de le passer. Alors, en voici un extrait, parce que quand on est en confiné, ou quand on est en couvre-feu même, on peut se permettre d'être un peu plus long que d'habitude. There was a time when we walked by the docks. I told you I'd need you all of my life. I'm watching the tugs rolling by together. Do you remember? Do you remember the lights on the shore? How they reflected the rain on the road? I believe that you loved me alone. It was real. Do you remember? Now and then I see your face. I've been wanting a loving embrace. I've been looking for love, but it gets me. Voilà, à partir de là, ça devient absolument honteux, puisque on dirait presque du joule, et dire du joule par rapport à McCartney, ça m'est moi-même insupportable. Donc, c'est dommage, parce que la chanson aurait pu être bien sans cet effet pour essayer de faire jeune. Paul, ne fais pas d'erreur comme ça. Sors-nous un autre single la même année, comme par exemple Home Tonight. Tonight, I wanna make sure that you're alright. Looks like a go-go wind is blowing in. I'm taking you home tonight. We're like a train that's left the tracks. The world is falling apart. I can't be helped to put it back. But tell me where to start. I'm taking you home. celle-ci, je la sentais bien en concert avec la petite formation de cuivre qu'il avait lors de ses derniers concerts, avec un C'est Yes, et évidemment tout le monde aurait dit Yes, un truc comme ça. ça aurait été bien en concert, hein. Donc, avec, bien entendu, au début, il abandonne le Hard Day's Night, qui est bien, qui est sympa, mais qui date de la tournée précédente. Et par hasard, pour dire la nouvelle tournée, il nous dit qu'il est content de nous revoir. So glad to see you here, ça aurait été bien. Ou alors Happy With You, c'est bien aussi. I sat around all day, I used to get stoned. I like to get wasted, but these days I don't, 'cause I'm happy with you. I got lots of good things to do. Around angry, I used to feel bad, but nowadays my day don't have to be sad, 'cause I'm happy with you. I got lots of good things to do. Children playing games, catch a moon and drop it. Hear the gentle mantra roll on a frosty morning. See the mighty ocean break like a sailor's warning. La saga des Fab Four 476C, c'est pour couvre-feu, puisque je ne suis pas à la radio RIG. C'est la 476e sur la radio RIG. Mais sachez, si vous ne le savez pas, et à mon avis vous le savez, que lorsque j'ai commencé cette émission à la radio, Paul McCartney n'avait que 42 ans, et que cette année il a fêté ses 78, et je continue, et lui aussi, et c'est tant mieux. Merci Paul McCartney. Je vous propose deux extraits du même album, l'album New. Voici d'abord la chanson éponyme, New, et ensuite il y aura Road à la suite dans la saga des Fab Four. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do, then we were new. Ooh.

Si vous vous souvenez du début de l'émission, je vous ai dit que New m'avait assez surpris parce que l'ambiance sur chaque morceau était vraiment complètement différente. On ne peut pas faire mieux quand même entre New et Road que vous venez d'entendre à l'instant. Et puis en voici un troisième extrait du même album parce que j'ai décidé de vous faire découvrir, c'est pas exact, vous êtes des fans donc vous le connaissez, mais j'ai décidé de mettre en avant quatre albums, l'album Kisses on the Bottom de 2012, l'album New 2013 qu'on vient d'entendre, on va entendre un troisième extrait dans quelques instants, Egypt Station qui date de 2018 avec quelques extraits qui datent de Egypt Station Explorers Edition. Pas facile à dire. C'est sorti un an plus tard avec donc des bonus et le dernier album qui s'appelle 3. Mais pour l'instant, voici Queenie Eye dans la saga des Fab Four. Hey!

McCartney en 2013 sur l'album New Alligator, une chanson que j'ai, je crois que j'ai aimé cette chanson dès la première écoute. C'est arrivé pas mal de fois, y compris sur le nouvel album, l'album 3, dont on écoute un nouveau titre, Deep Deep Feeling. Alors celle-ci, j'ai dû l'écouter 2-3 fois avant de me dire, non elle est bien aussi. J'avais un sentiment bizarre. You know that deep deep feeling. When you love someone so much, you feel your heart's gonna burst. The feeling goes from best to worst. You feel your heart is gonna burst. Here in my heart, oh. I feel a deep devotion. It almost hurts. Oh. It's such a deep emotion. Every time it rains, it sometimes gets too much. You know I feel the pain when I feel your loving touch. Emotion burns in an ocean of love. You got that hot emotion, burns in an ocean of love. The deep, deep pain of feeling. The deep, deep pain of feeling. The deep, deep pain. The deep, deep pain of feeling. The deep, deep pain. So intense the joy of giving, how does it feel? So immense the thrill of living, how does it feel? So intense the joy of giving, how does it feel? Deep, deep pain. So immense the thrill of living, how does it feel? Oh, hey.

Sometimes I wish it would go away. Qui est dur, hein, un morceau qui dit, qui parle du sentiment lorsque quelqu'un, vous avez aimé quelqu'un puis que cette personne est partie, etc. Et voilà, c'est dur. Je préfère le McCartney plus joyeux, celui qui a 16 ans dans sa tête, comme par exemple aller à la soirée de Frank Sinatra. C'est un bonus de l'Egypt Station Explorers Edition sorti en 2019. Il y aura Save Us dans la saga des Fab Four sur RIG en temps normal 90.7. We had the greatest time at Frank Sinatra's party. We drank expensive wine, then watched the night roll by. I saw a showgirl dance with Sammy Davis Jr. They had a brief romance under the desert sky. Thank you.

a smile and say, I hope you're feeling better. And close with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter. Ben vous voyez, en faisant cette émission, je suis obligé de vous dire que cet album, Kisses on the Bottom, j'ai tort de ne pas l'écouter plus souvent, parce que une soirée tranquille, mettre ça, voilà, pour être tranquille, c'est vraiment bien, c'est vraiment très très bien. Il a eu raison de faire cet album-là à ce moment-là, en 2012. Vous en voulez une troisième extrait du même album ? Allez, Ringo Starr l'avait chanté en 1970, mais il n'avait que 30 ans, alors que là, c'est Paul McCartney qui reprend la même chanson dans une... Bah, dans une version cabaret, hein, comme j'ai dit depuis le début. Voici Bye Bye Blackbird dans la saga des Fab Four. Blackbird, Blackbird, singing the blues all day, right outside my door. Blackbird, Blackbird, I gotta be on my way to where the sun shines once more. I pack up all my cares and woe. Here I go, singing low. Bye, bye, Blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet, and so is she. No one here can love or understand me. Oh, what hard luck stories they all have me. Now make my bed and light the light. I'll arrive late tonight, Blackbird, bye-bye. Light, could I'll be home late tonight, blackbird, oh blackbird. Blackbird, bye, bye. Ce style, ça me fait penser Jean Gabin et Michel Morgan. T'as de beaux yeux, tu sais. Et Michel Morgan, embrasse-moi. Started to rain. Where En d'autres temps, ce titre I Don't Know sur l'album Egypt Station aurait fait un hit, j'en suis sûr. Ça, c'est un des bonus de Egypt Station. Get started. So let's get started. I'm ready to be heard before the dear departed can have the final word. In a perfect situation, I'd have told you. Saga des Fab Four 476, c'est pour couvre-feu, donc enregistré à la maison et proposé le 23 décembre à l'ouverture à 20h pile pour le commenter, sur le groupe Facebook. Voici la chanson qui a accroché mon oreille, mais dans le bon sens, tout de suite lors de l'écoute de McCartney 3, c'est Find My Way sur RIG en temps normal dans la Saga des Fab Four, ça c'est sûr. Can find my way, I know my left and right, because we never close, I'm open day and night. I know my way around, I walk towards the light, I'm open round the clock, I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like this.

Looking at Her, tiré de l'album New, ce fameux album avec tant d'ambiances complètement différentes. J'aime bien. J'aime vraiment très très bien cet album-là. Également, j'adore l'album Egypt Station, dont voici un nouvel extrait qui, lui aussi, aurait dû faire un hit. Do It Now. Got the time, the inclination. I have answered your invitation. I'll be leaving. In the morning, watch me go. I don't know where the wind is blowing. Got directions to where I'm going. Nothing certain, that's the only thing I know. Do it now. Continue à balayer les 10 ans écoulés entre 2010 et 2020 avec les albums de Paul McCartney. Voici extrait de McCartney 3, Deep Down, et ensuite extrait de New, quelques années auparavant, 7 ans auparavant si vous voulez être précis, On My Way to Work. Thank you. Alors comme tous les goûts sont dans la nature, peut-être que certains d'entre vous vont dire cette chanson est géniale, je l'adore. Moi, ça fait partie de celle qu'il va falloir que j'écoute encore et encore pour que ça rentre bien, parce que pour l'instant, ça n'est pas ma préférée, et de loin. On my way to work, I rode a big green bus. I could see everything from the upper deck. People came and went, smoking cigarettes. I picked the packets up. See? to study history. She had removed her clothes for the likes of me. Fameux album New, qui présentait donc des chansons complètement différentes. Et cette chanson, On My Way to Work. On revient deux fois à l'année 1900. Faut arrêter avec 1900, Thierry, ça fait longtemps que c'est fini. À l'année 2019, avec. Oh, excusez-moi, c'est la fatigue sûrement. Egypt Station Explorers Edition et le fameux single qu'il a sorti. On a écouté tout à l'heure Home Tonight. On va écouter In a Hurry, mais juste avant. 62nd Street, c'est un bonus de Egypt Station. Well, you can make my life complete if you say that we could meet for a minute on 62nd Street. Oh, yeah. The city's melting in the heat. I got my flip flops on my feet. See me walking down 62nd Street. Well, time is flying by so fast. Each day quicker than the Allow me to Petit cadeau, nous avons eu accès au téléphone de Paul McCartney. Enfin, pas tout à fait, c'est un bonus qu'il nous a transmis, qu'il enregistre sur son téléphone quelquefois quand l'idée lui vient. Voici The Kiss of Venus, d'abord en version phone démo, et puis après la version de l'album. Dum, dum, dum, dum, dum. Ok. So here we go. Packed with illusions, my body's turned around. This golden circle has the most harmonic sound. Harmonic sound. Hey, the kiss of Venus has got me on the go. She scored a bullseye in the early morning glow. Early morning glow. And in the sunshine where we stand alone, lorsqu'il vient en studio pour le faire, ça donne ça. Dans son studio à lui, forcément. Un peu comme moi, quelque part, dans mon studio. Je vous propose comme dernière chanson, ma chanson préférée, une de mes chansons préférées de l'album New, c'est I Can Bet. Listen to me. Vous prouver qu'on pouvait facilement passer un peu plus de 2 heures en compagnie de Paul McCartney en se baladant sur ses albums entre 2010 et 2020. Et j'aimerais que quelqu'un marque sur Facebook, est-ce que tu peux nous repasser Find My Way, parce que j'ai prévu de faire ça. Donc, à la demande générale, voici Find My Way sur l'album 3. Well, I can find my way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. I know my way around, I walk towards the light, I'm open round the clock, I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like this. Left from right, because we never close, I'm open day and night. Ooh, oh, oh yeah, oh yeah. You never used to be afraid of days like these. right. I'm open round the clock. I don't get lost at night. McCartney 3 dans toutes les bonnes boutiques, bah, peut-être un peu par correspondance pour l'instant, mais vivement qu'on puisse l'acheter normalement. Voilà, c'est fini. Oh bah, faut arrêter à un moment donné, quoi, parce que sinon je continue, moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle saga en couvre-feu. C'est celle que j'aurais dû faire la semaine précédente et que pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu faire. Ce sera donc une saga consacrée avec du retard, 100% John Lennon. Donc on a fait aujourd'hui une 100% McCartney et la semaine prochaine, une 100% John Lennon. À très bientôt. Salut. Ciao.